garder ce rêve qu'adultes ont trouvé si bien. Il fut un temps où je voulais croire que nous pourrions vivre nos illusions d'enfant, que la déraison enivre en oubliant le temps. Oui, nous pourrions vivre nos illusions d'enfant, que la déraison enivre en oubliant le temps. En oubliant le temps.